إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication de la aqida des deux Razi, la aqida des deux imams, l'imam Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. Abu Hatim et Abu Zur'a, les deux grands imams parmi les imams d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah, deux imams parmi les imams de nos salaf al-Salih. Et donc ils ont résumé et clarifié la position d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah au sujet des fondements et des bases de notre aqidah. Et on a expliqué au dernier cours le début du point numéro 4 dans les paroles de Cheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah, qui mentionne et qui clarifie donc la question des Khulafa Ar-Rashidin et le fait qu'on doit aimer les quatre Khulafa Ar-Rashidin et dans le fait que on doit aimer tous les Sahaba et dans le fait qu'également les Sahaba sont dans des degrés différents, dans le sens que ils ne sont pas tous au même degré dans leur mérite et dans leur statut. Certains sont à un statut préféré et ont plus de mérite que d'autres. Et c'est dans l'ordre de leur khilafa. Donc on commence par le Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, ensuite Ali radiallahu anhum. Et on a mentionné notre position par rapport à ça, et on a mentionné la position des groupes et des sectes d'égarement, et qu'est-ce que eux ont dit à propos des quatre khulafa et à propos des sahaba de façon générale. On continue donc avec l'explication du Cheikh Rabi' Hafizahullah, et il clarifie maintenant la position d'Ahlus Sunnati wal Jama'a avec les preuves dans le Coran à ce sujet-là. Donc il dit: Amma Ahlus Sunnah فهم يتبعون في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالله أثنى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هذا خبر الله سبحانه وتعالى وشهادة لهم وأنه رضي عنهم وأعد لهم جنات خالدين فيها رضوان الله عليهم فماذا يريد المؤمن الناصح الصادق بعد هذا. Donc le Cheikh il dit, en ce qui concerne la position d'Ahlus Sunnah à propos des Sahaba, eh bien ils suivent ce qui est mentionné à ce sujet, ce qui est mentionné dans le Coran, le livre d'Allah et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des Sahaba et il nous a informé qu'il était satisfait d'eux, qu'il était satisfait d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans le verset 100 en sourate At-Tawbah, les tout premiers croyants, As-Sabiqoun, As-Sabiqoun, ça vient du verbe sabaqa, ça veut dire celui qui a précédé, qui a devancé les autres. Al-Awwaloun, hein, ça vient de Al-Awwal, Al-Awwaloun, ça veut dire les premiers. Donc ceux qui ont devancé, les tout premiers croyants, parmi les Muhajirin et les Ansar, les Muhajirin, c'est ceux qui vivaient à Mecca et qui ont cru en l'islam et qui ont fait la Hijra, qui sont allés à Médine. Et Al-Ansar, c'était les habitants de Médine qui ont accepté l'islam et qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont secouru la cause d'Allah, la cause de l'islam. On les a appelés à cause de ça, Al-Ansar. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ, c'est-à-dire, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, dans leur bon comportement, dans leur aqidah, dans leur compréhension de l'islam. Donc c'est tous ceux qui viennent après les sahaba et qui les suivent de la meilleure manière. Eh bien Allah dit à leur sujet qu'il est satisfait d'eux et que eux sont satisfaits de lui, et qu'il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement, et voilà l'énorme succès. Donc ça c'est une preuve, hein, du mérite des sahaba. Et si quelqu'un donc yani demande quelle est la preuve qu'on doit aimer les sahaba et qu'ils sont bien et qu'on doit les suivre, eh bien on a dans ce verset là de nombreuses preuves dans ce verset seulement que yani, ils sont agréés d'Allah, que Allah est satisfait d'eux et qu'il nous ordonne en même temps de les suivre et de les suivre de la meilleure manière, et qu'il leur a promis le paradis, hein? Donc ça c'est parmi les preuves. Et il dit, et ça c'est l'information d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne à leur sujet, et c'est un témoignage qu'il fait pour eux en leur faveur, qu'il a été satisfait d'eux et qu'il leur a préparé le paradis pour y demeurer éternellement. Quelle autre preuve le croyant sincère et véridique a-t-il besoin après cela, hein? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kadhalika qawluhu subhanahu wa ta'ala للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc le cheikh il dit ensuite un autre verset ou d'autres versets dans sourate Al-Hashr, le verset 8 à 10, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala clarifie le mérite des sahaba, le mérite des sahaba et des muhajirin et des ansar. Et donc dans les versets dans sourate Al-Hashr, des versets 8 à 9 à 10 pardon, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui méritent le butin, hein, de ceux qui méritent le butin et qui vont prendre le butin. Et donc il mentionne premièrement que le butin appartient aux muhajirin, al-muhajirun, donc les pauvres parmi les muhajirin qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce, hein, ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et son messager. Ceux-là sont les véridiques. Donc vous voyez les descriptions que Allah subhanahu wa ta'ala fait des muhajirin dans ce verset. Il les décrit comme étant comme ayant été expulsés de leur demeure et de leur bien. Et après il dit, tandis qu'ils recherchaient d'Allah la grâce et l'agrément, et qu'ils venaient au secours de la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, ceux-là sont les véridiques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les qualifie de véridiques. Et ensuite il dit, il appartient également, c'est-à-dire le butin, il appartient également à ceux qui avant eux se sont installés dans le pays, c'est-à-dire à l'Ansar, hein? C'est-à-dire qui étaient déjà à Médine, qui étaient déjà installés là-bas, hein? Qui sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment les muhajirines. Ils aiment ceux qui ont fait la hijra vers eux. Donc ils aiment les sahaba qui sont venus faire la hijra chez eux. Et ils ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces muhajirines ont reçu. Hein, ils ne sont pas jaloux. Ils ne sont pas jaloux d'eux. Et ils ne pensent pas du mal d'eux. Ils ne veulent pas du mal pour eux. Ils les accueillent chaleureusement et le cœur ouvert. Et ils veulent les aider. Et qui les préfèrent à eux-mêmes. Même s'ils sont eux-mêmes chez eux en pénurie. C'est-à-dire même si eux-mêmes ils sont dans le manque et dans le besoin chez eux. Mais malgré tout, ils les préfèrent à eux-mêmes. C'est-à-dire, ils préfèrent les muhajirines à eux-mêmes, à leur propre personne. Et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc ceux-là, ils font partie hein, de ceux qui méritent ce butin. C'est-à-dire, ils sont parmi les mu'minines, ils sont parmi les croyants. Puis, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala parle de tous ceux qui viennent après les sahaba. Et il dit... Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux. Mais il met une condition par la suite, ou une clause, et c'est-à-dire, en disant, c'est-à-dire qu'ils viennent après les sahaba, mais ils disent, ils font l'invocation suivante. Seigneur, c'est-à-dire, Rabbana, pardonne à nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. C'est-à-dire les muhajirines, les ansar, les croyants. Pardonne à nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés. Et ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Tandis que, et après il dit, Seigneur, tu es le compatissant, le très miséricordieux. Donc ça c'est le verset, les versets 8 à 10. On va voir l'explication de ces versets-là dans les paroles de Cheikh Rabi'a maintenant, qu'est-ce qu'il explique. Donc il dit, فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَثْنَى عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ وَأَنَّهُمْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يبتغون فضلا من الله ورضوانه وأن الأنصار رضوان الله عليهم قد قدموا لهم أموالهم بحيث أنه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأثنى على من يتبعهم ويرتضى عنهم ويستغفر لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبقونا بالإيمان هذه شهادة من الله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قاتل الله من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله أهل البغي. Donc le cheikh il dit, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge dans ces versets des sahaba, et il commence en mentionnant les muhajirin, en disant qu'ils ont quitté leur demeure par grâce, hein, pour la grâce d'Allah et pour son agrément. Et il parle des ansar aussi, qui ont donné tout de leur bien pour aider les muhajirin, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même si eux-mêmes ont de la difficulté, ils sont eux-mêmes dans le besoin. Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge. Et il a fait l'éloge également de ceux qui viennent après eux et qui sont satisfaits d'eux et qui demandent à Allah et qui demandent la satisfaction d'Allah pour eux et qui demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, hein, et qui disent quand ils mentionnent leur nom radiyallahu anhum et qui demandent pardon pour eux. Et il mentionne donc la suite du verset, et ceux qui viennent après eux, en disant, notre Seigneur pardonne à nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. C'est-à-dire qui nous ont précédés dans la foi. Ça, c'est la preuve que ce sont des mu'minin. C'est un témoignage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ. Ô notre Seigneur, ne mets pas dans notre cœur de la rancœur ou de la rancune contre ceux qui ont cru. Et notre Seigneur, tu es certes l'indulgent et le miséricordieux. Et donc, ça c'est pour dire, le cheikh il dit ensuite que Allah maudisse ceux qui détestent les sahaba du messager d'Allah. Que Allah maudisse les gens, ahl al-ghil, les gens qui ont de la rancune et de la rancœur. Al-ghil, hein? Al-ghil, c'est de la rancœur. C'est-à-dire que tu as quelque chose contre quelqu'un dans ton cœur. Et le cheikh, il dit, Malik, rahimahullah, kaffara haoula, wa qal laysa lahum haqqun fil fay. Donc l'imam Malik, l'imam Malik ibn Anas, imam Udar al-Hijra, l'imam de Médine, qui est un des quatre imams parmi les imams des Madahib, il a dit que ceux qui ont de la rancœur contre les sahaba sont des kuffars. Et il s'est basé sur ce verset-là. Il a dit, ceux qui ont de la rancœur contre eux n'ont aucun droit dans Al-Fay, c'est-à-dire dans le butin. Hein? Et donc, c'est la preuve que ce ne sont pas des croyants, s'ils ont de la rancœur contre les sahaba et qu'ils détestent les sahaba. Parce que tout le verset, tous les versets qu'on vient de lire, des versets de 10 à... de 10 à 9, de 8 à 10, sont des versets qui parlent de Al-Fay. Parce que si vous regardez le verset qui est avant, qui est le verset 6, et le verset 7, vous allez voir que Allah subhanahu wa ta'ala parle du butin. Hein? Et donc, que c'est pour dire que ceux qui n'ont pas le droit à ce butin-là, c'est ceux qui n'entrent pas dans les descriptions qui ont été mentionnées, c'est-à-dire les muhajirin et les ansar, et ceux qui ont fait des doigts pour eux, qui les aiment et qui n'ont pas de rancœur contre eux. Il mentionne également un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des sahaba. C'est le verset 29 dans sourate Al-Fath. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, وأيضا قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فهذه تزكية من الله سبحانه وتعالى لمحمد وأصحابه وهذه التزكية وردت في التوراة والإنجيل كما في الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran le verset 29 dans sourate Al-Fath, ce qui signifie Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs avec les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Injil, c'est d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Allah par eux, c'est-à-dire par les croyants, rempli de dépit, hein, c'est-à-dire de haine, et en est les mécréants. Rempli de dépit, les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Donc ça c'est le verset 29 dans sourate Al-Fath. Et le Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit à la suite de ce verset que ceci c'est une tazkiyah. C'est une tazkiyah. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala faisait une éloge et une recommandation, hein, et une bonne recommandation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour ses compagnons. Et c'est une tazkiyah, hein, une note de il y en a pour dire que c'est des gens qui sont corrects, qui sont purs, qui sont bien, qui sont des gens de, il y en a qu'on doit suivre, un exemple à suivre. Et cette tazkiyah, elle est mentionnée également non seulement dans le Coran, mais elle était mentionnée déjà auparavant dans la Torah, des Juifs et dans l'Injil des chrétiens. Hein, elle était mentionnée déjà à leur sujet. Ils étaient décrits, hein, comme Allah l'a mentionné dans ce verset-là. Et le verset dit, Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs avec les kuffars. sont durs avec les kuffars. Les kuffars, ceux qui ont rejeté la vérité, ceux qui rejettent la foi. Donc, le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala yatlub minna shidda ala al-kuffar. كيف إذا كان ما عندنا شدة كيف نقاتلهم كيف ندخلهم في الإسلام يدخلهم المؤمنون الجنة بالسلاسل فهم أشداء على الكفار لكن دعوتهم فيها حكمة يدعون الكفار إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان الحق وإقامة الحجة فإن أبوا قاتلوهم لأنهم أعداء الله لأنهم تمردوا على الله تبارك وتعالى خلقهم الله لعبادته سبحانه وتعالى وسخر لهم ما في السماوات والأرض وأمدهم بالنعم التي لا تحصى ثم بعد ذلك يكفرون بالله وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر فماذا يستحقون. Donc le Cheikh il explique ici, il dit Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'avoir de la dureté envers les kuffars, c'est-à-dire envers les non-croyants, envers les gens qui rejettent la vérité. Et comment pourrions-nous les combattre si nous n'avons pas de dureté envers eux? Et comment pourrions-nous les faire rentrer en islam? Il dit les croyants font rentrer les kuffars au paradis avec des chaînes. Allah subhanahu wa ta'ala fait rentrer les croyants font rentrer les kuffars au paradis avec des chaînes. Et il dit ils sont durs donc avec les kuffars dans ce sens-là parce qu'ils veulent du bien pour eux. Ils veulent du bien pour les kuffars et quand ils les appellent à l'islam, ils les appellent avec sagesse. Quand il les appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, il les appelle avec sagesse et il les appelle avec une bonne exhortation. Et il leur explique la vérité et ils établissent contre eux les preuves. Par la suite, s'ils refusent d'accepter la vérité, eh bien là, ils les combattent. Ils les combattent pourquoi? Parce qu'ils sont les ennemis d'Allah. Parce qu'ils se sont... enflés d'orgueil et qu'ils ont rejeté la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont rebellés contre leur créateur. Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement créé ces hommes pour son adoration. Il nous a uniquement créés pour qu'on l'adore. Et il a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre pour eux. Et il leur a donné toutes sortes de grâces et de délices et de grâces qui sont innombrables. On ne peut même pas les compter tellement ils sont nombreux. Et malgré tout ça, ils rejettent la foi en Allah, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier. Alors que méritent-ils? Alors que méritent-ils ces kuffars? Alors le cheikh il dit هؤلاء عندهم لو يجرم العبد واحدا في المئة من هذا الإجرام يرون قتله بل الخبثاء يذهبون إلى بلدان المسلمين فيقتلونهم في بلدانهم فيغزون بلدانهم ثم يتباكون ويقولون الإرهاب من الإسلام الإرهاب ليس فيه الإسلام ليس فيه إرهاب الإسلام فيه جهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وهذا الجهاد والله خير لهم من تعطيل الجهاد لأن بسبب الجهاد دخلت أمم وشعوب في الإسلام ودخل في الإسلام بشر كثير بسبب الأخلاق العالية التي كان يتمتع بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh il dit, ces gens-là, en parlant des kuffars, si quelqu'un faisait envers eux 1% de ce genre de crimes qu'ils font eux-mêmes, eh bien, il voirait qu'il faut le tuer. C'est-à-dire Yani, Allah subhanahu wa ta'ala donne aux êtres humains, il a assujetti pour eux les cieux et la terre, il leur donne toutes ses grâces, et il leur donne yani, tout le bien, il leur a donné la vie, il leur a donné l'eau, il leur a donné l'air, il leur a donné la chaleur, il leur a donné les vêtements qu'ils ont, la nourriture qu'ils mangent, l'air qu'ils respirent, tous les biens, hein, la santé, et tout ça, ce qu'ils ont, ils jouissent de ça, et malgré tout, ils renient Allah subhanahu wa ta'ala et ses livres et ses messagers et la foi en le jour dernier. Alors, yani, ils méritent quoi ces gens-là? Le cheikh il dit, si eux, on agissait comme ça envers eux, ils nous tueraient. Si nous, on agissait comme ça envers eux, dans le sens qu'ils nous donneraient tout, puis que nous, on les renie, ils vont agir comme ça envers nous. Même que, le cheikh il dit, même que ces gens mauvais, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les pays musulmans et ils tuent les musulmans et ils envahissent leur pays. Et après, ils vont pleurer et ils disent, le terrorisme vient de l'islam. Le cheikh il dit, l'islam n'a pas de terrorisme. Il n'y a pas de terrorisme dans l'islam. Il dit, dans l'islam, il y a plutôt un djihad dans le but d'élever la parole d'Allah. Et ce djihad, il est mieux pour eux que de ne pas faire le djihad. Et à cause de ce djihad, des gens sont rentrés dans l'islam. Des peuples et des nations entières sont rentrés dans l'islam. Des gens sont rentrés dans l'islam à cause du grand comportement dont jouissaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils sont venus dans les différents peuples et les différentes nations et comment ils ont agi. Et à cause de ça, beaucoup de gens ont accepté l'islam. Donc, le djihad, c'est un bien. Mais bien entendu, juste une note en passant, pour clarifier, que le djihad, c'est pas le terrorisme, comme le prétendent parfois certains koufars, et comme le prétendent également les khawarij, parmi les égarés de cette umma à notre époque, qui font toutes sortes d'actes de terrorisme et qui font toutes sortes de désordres sur la terre et puis qui prétendent par la suite que ça fait partie de l'islam ou que c'est ça le djihad. Non. Le djihad, c'est tout le contraire de ça. Et le cheikh même, il donne l'exemple. Il dit, « Hatta wa inna al-Rum al-Nassara lamma ra'au ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wasamathum وسمتهم أو وسمتهم نعم لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمتهم وهيئتهم وأخلاقهم وتصرفاتهم قالوا هؤلاء والله خير من الحواريين وهم يعظمون الحواريون حتى إنهم يعبدونهم ومع ذلك شهدوا بأن هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الحواريين ولذلك دخل أكثرهم في الإسلام بسبب هذا الجهاد الذي بذلوه ثم بعد هذا الجهاد رفق ثم بعد هذا الجهاد رفق ولين وحكمة وعلم وفضل ودعوة حكيمة Ridwanallahi alayhim. Donc le cheikh il explique, il dit, lorsque les Romains et les gens de la région de la Palestine et de la Syrie à cette époque, on sait que c'était les Romains qui avaient colonisé cette région, et bien quand les musulmans sont rentrés dans cette région et qu'ils ont conquis cette partie du monde, c'était des chrétiens à l'époque. Et lorsqu'ils ont vu les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venir, et que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui venaient avec le djihad, quand ils les ont vus et quand ils ont vu leurs caractéristiques, leur stature, leur comportement et leur façon d'agir, ils ont dit, ceux-là, nous jurons par Allah que ceux-là sont meilleurs que les apôtres de Jésus. Nous jurons par Allah que ceux-là sont meilleurs que les apôtres de Jésus. Alors que eux, déjà de leur côté, ils vénèrent les apôtres de Jésus. Même parmi eux, certains, ils les adorent même, en dehors d'Allah. Allah al-Musta'an. Mais quand ils ont vu les sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, on témoigne que ceux-là sont meilleurs que les apôtres de Jésus. Hein? Alayhi salam. Donc, même que l'imam Ibn Kathir, il rapporte dans son tafsir, il dit, قال Malik, radiyallahu anhu, بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. Hein? Donc l'imam Malik, c'est rapporté dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, il dit, l'imam Malik a dit, il m'est parvenu que les chrétiens, lorsque les sahaba, lorsqu'ils ont vu les sahaba, les chrétiens ont, lorsque les chrétiens ont vu les sahaba qui ont conquis la région de la Palestine et la Syrie, ils ont dit en les voyant, par Allah, ceux-là, ils sont meilleurs que les apôtres, d'après ce qui nous est parvenu à leur sujet. Hein? Et yani, subhanallah, même dans le livre des chrétiens, il y a beaucoup d'exemples des paroles des apôtres, même les évangiles qui existent actuellement, qui sont entre les mains des chrétiens, qui sont les évangiles falsifiés, hein, les quatre évangiles, celui de Matthieu, Marc, Jean et Luc, et bien tu vois qu'à l'intérieur même il y a des témoignages qui mentionnent même les égarements et les erreurs et les fautes des apôtres. Hein, et comment, par exemple, certains même ont renié Isa alayhi salam, hein, ou comment certains ont douté dans la foi ou des choses de ce genre. Et ça, c'est des exemples de choses que tu vois quand tu compares avec l'exemple des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois que les sahaba ont vraiment été des gens qui se sont vraiment accrochés à l'islam et au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de façon vraiment véridique et sincère après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment ils ont propagé l'islam dans le monde avec une honnêteté et une honnêteté et une véracité, une sincérité inégalée. Et c'est pour ça que même les chrétiens, quand ils voyaient les sahaba, ils étaient surpris et éblouis. Même qu'ils trouvaient que les musulmans étaient plus justes envers eux que leurs propres dirigeants, que leurs propres peuple, que les gens de leur propre religion. Hein? Parce qu'ils voyaient que leurs responsables, leurs dirigeants, ils les frappaient par toutes sortes de taxes, ils les maltraitaient, ils n'agissaient pas justement envers eux. Quand les musulmans sont arrivés, ils ont senti que les musulmans étaient venus les libérer. Hein, de leur propre religion et de ces gens-là. Donc, ils se sont convertis à l'islam. La grande majorité des gens qui habitaient dans ces régions-là se sont convertis à l'islam par la suite. Et donc, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient meilleurs que les apôtres chrétiens. Et ils disent après, la plupart sont entrés dans l'islam à cause de ce djihad. À cause de cet effort que les sahaba ont fait, à cause de cette lutte que les sahaba ont fait. Puis ensuite, après ce djihad, il y a eu la douceur, il y a eu la sagesse, il y a eu la science, il y a eu le mérite, il y a eu la da'wa sage, avec sagesse. Donc tout ça, c'est l'exemple qui nous a été laissé par les sahaba, ridwanallahi alayhim. Et on voit donc que c'est cet exemple qui nous a été donné par les sahaba, ça c'est le djihad, le vrai djihad qui a été fait par les sahaba. C'est quelque chose qui est incomparable avec ce que font les khawarij à notre époque, que ce soit le groupe de Daesh ou de Jaysh al-Nusra ou de d'autres groupes comme Al-Qaïda ou d'autres groupes de khawarij à notre époque qui ne font que tuer puis faire des attentats et tuer des innocents et sans aucune miséricorde, sans aucune rahma, sans aucune sagesse, sans aucune da'wa. Hein, c'est juste comme si on dirait que c'était des assoiffés de sang qui ne pensent qu'à tuer. Donc ça, c'était pas le djihad. Ça, c'était pas le djihad des sahaba et c'est pas notre exemple qu'on suit. Notre exemple, c'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des sahaba et l'exemple des ulama et des tabi'in et de ceux qui ont suivi cet exemple-là. Donc le cheikh, il continue ensuite. Il dit « يَصِفُهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ سِمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ تَرَى الرَّجُلْ فَتَعْرِفُهُ مِنْ مَنْظَرِهِ أَنَّهُ صَاحِبُ هُدَى وَأَنَّهُ صَاحِبُ دِينٍ وَأَنَّهُ صَاحِبُ خُلُقٍ فَيُعْرَفُونَ بِسِمَاهُمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هذه تعني أصحاب محمد في الدرجة الأولى رضوان الله عليهم هذه أخلاقهم هذه صلتهم بالله تبارك وتعالى وهذا تعاملهم مع عباده سبحانه وتعالى ليس عندهم كبر ولا استعلاء تواضع ولين ورفق وحكمة وعبادة. Donc le cheikh il explique, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les sahaba dans le verset 29 dans surat al-Fath, à la suite de qu'est-ce qu'on a lu, il dit simahum fi wujuhihim, tu vois leurs signes dans leur visage de leur prosternation. C'est-à-dire que tu vois l'homme et tu reconnais en lui, en le voyant, les signes d'un homme qui est sur la guidance, les signes d'un homme qui est sur la religion, les signes d'un homme qui a un bon comportement, qui a du khuluq. Hein? Et ils sont reconnus, on les reconnaît par leurs signes, par les signes de leur prosternation. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans surat al-Furqan, dans les versets 62, 63, 63 et 64, la description des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ibad al-Rahman. Et donc, le cheikh, il dit, en citant les versets 64, il décrit les serviteurs du tout miséricordieux. Le verset 63, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre. Et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix, salam ». Ils ne rentrent pas dans les discussions, des débats ou des problèmes avec eux. Les ignorants, ils les laissent. Ils leur disent « salam ». Et qui passent leur nuit prosternés, debout devant leur Seigneur. Ça, c'est leur caractéristique. Et qui disent « Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent ». Et donc ça, c'est des exemples de la caractéristique. Et il dit, ces caractéristiques-là, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les possèdent au premier degré, dans leur comportement, dans leurs relations et leurs liens qu'ils ont avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur comportement et dans leur attitude envers les serviteurs d'Allah, et envers les créatures, et envers les hommes en général. Et donc, il n'y a pas en eux de fierté, il n'y a pas en eux d'arrogance, ils n'ont que de l'humilité, de la douceur, et de la sagesse et de l'adoration. Ensuite, le cheikh, il continue et il dit « Ayatun kathira fi fada'il ashabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huna ashara al-muallifu ila إلى من أثنى الله عليه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أنهم على مراتب فأهل المرتبة الأولى أهل بدر ثم الحديبية ثم مسلمة الفتح ثم اختلفوا في ترتيبهم. Donc le cheikh il dit, il y a beaucoup de versets. Le cheikh il a mentionné que quelques-uns. Il y a beaucoup d'autres versets encore qui mentionnent les mérites des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur, il a indiqué, c'est-à-dire, en parlant de l'auteur, il parle des deux imams. Et il dit, il a mentionné ici que Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il dit qu'ils ont différents degrés. Et les gens qui sont au premier degré, ce sont les gens qui ont participé à la bataille de Badr. Eux, ils ont un mérite particulier. Ensuite, ceux qui étaient présents à Al-Hudaybiyah, eux aussi, ils ont un degré particulier. Et Muslimat al-Fatih, ensuite, les musulmans, ceux qui se sont convertis lors de la conquête de la Mecque, Muslimat al-Fatih. Puis ensuite, il y a eu divergence au sujet des degrés de ceux qui viennent par la suite. Ok? Il dit « وَيُقَسِّمُهُمْ بَعْدُهُمْ إِلَى عَشْرِ طَبَقَاتٍ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ عَلَى حَسَبِ تَفَاوُتِهِمْ فِي الْفَضْلِ وَعَلَى حَسَبِ مَا قَدَّمُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى » Donc le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que certains savants les ont divisés par la suite en différents degrés et en différents étages, différents rangs. Et dans les différents rangs ou les différents degrés, ils les ont placés selon leur mérite et selon ce qu'ils ont fait pour l'islam. Selon ce qu'ils ont fait pour l'islam. Et il dit, et tous, chacun d'entre eux ont été promis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala la meilleure récompense, c'est-à-dire le paradis, hein, et Al-Husna. Et Al-Husna, c'est le paradis, hein. Et il mentionne le verset 10 dans Surat Al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « La yastawi minkum » من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Et donc dans le verset 10 dans sourate Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala dit: on ne peut pas comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Ces derniers, c'est-à-dire ceux-là, sont plus hauts en hiérarchie, hein, que ceux qui ont dépensé et combattu après la conquête. Donc, ceux qui ont fait les efforts avant la conquête, qui ont donné de leurs biens, qui ont fait le djihad et tout, avant la conquête de la Mecque, ils sont plus grands en degré. Ils ne peuvent pas être comparés à ceux qui ont dépensé, qui ont fait les efforts, mais après la conquête. Ils n'ont pas le même degré, ils n'ont pas le même rang. Hein. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. C'est-à-dire, malgré que ils n'ont pas tous le même degré, mais Allah leur a tous fait la promesse de la meilleure récompense, Al-Husna. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, « Kullu ashabi Muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam, maw'uduna bil-husna. » الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا لأن الذين أسلموا بعد الفتح كانوا يقاتلون يجاهدون في سبيل الله وبذلوا أموالهم وأنفسهم وهم بهذه الفضيلة العظيمة لا يلحقون السابقين الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا ولا يلحقونهم لا يلحقونهم ذلك عدل هل ذلك عدل الله وذلك تفضيله لمن شاء سبحانه وتعالى. Donc tous les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم ont reçu la promesse du paradis et de Al-Husna, hein? Et il dit, ceux qui ont dépensé et qui ont combattu avant la conquête et ceux qui ont dépensé et combattu après la conquête, mais ceux qui se sont convertis à l'islam après la conquête et qui ont combattu et qui ont fait le djihad fi sabilillah, ils ont dépensé de leurs biens et de leurs personnes, et ils ont un grand mérite, mais ils ne peuvent pas atteindre le mérite de ceux qui les ont précédés et qui ont dépensé de leurs biens et combattu avant la conquête. Donc, ils ne peuvent pas les atteindre, et ça, c'est une justice qui vient d'Allah, c'est la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, c'est le fait qu'il a préféré ceux-là. Hein? Et il donne préférence, et il donne de sa grâce à qui il veut. Et il dit ensuite le cheikh, wa qala alayhi salatu wassalam, la tasubbu ashabi, falaw anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Law tabdhul ma badalta, wa tunfiq جبالا من الذهب لا تلحق أصحاب محمد في هذه الفضيلة وهم أهل لها والله لأنهم أسلموا ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وجاهدوا في حياته وبعد موته مما يدل على إخلاصهم وصدقهم. Et donc le cheikh il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, n'insultez pas mes compagnons, parce que si l'un d'entre vous dépensait ou donnait la quantité d'or équivalent à la montagne de Uhud, eh bien ça n'aurait même pas la valeur de la poignée de main qu'un sahabi a donné en sadaqa. Alors il dit, même si tu dépenses tout ce que tu peux dépenser et que tu donnais en sadaqa la quantité d'or équivalent à des montagnes, tu ne peux pas atteindre le mérite des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils méritent cette grâce et ce mérite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils se sont convertis et ils ont vu le messager d'Allah et ils lui ont porté secours et ils ont lutté, hein, ils ont lutté et ils ont fait le djihad durant sa vie et après sa mort, hein, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est la preuve de leur sincérité et de leur véracité. S'ils n'étaient pas sincères, hein, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient dit ça y est, on arrête, hein, on fait plus de djihad, on arrête la propagation de l'islam puis on reste ici. Non, ils n'ont pas dit ça, hein, ils ont continué l'effort et la lutte et la propagation de l'islam. Et il dit le cheikh ensuite, wa hadallahu bihim umaman wa shu'uban ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كيف وقد هدى الله على أيديهم شعوبا رضي الله عنهم رضوان الله عليهم نرتضي عنهم جميعا وما شجر بينهم على خلاف على من خلاف في صفين والجمل هذا لا نضيعه. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé par leur intermédiaire, c'est-à-dire par les compagnons, il a guidé des nations et des peuples entiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que si Allah fait qu'à cause de toi ou par toi, un homme, un seul homme est guidé, c'est meilleur pour toi que les chameaux rouges. Et dans une autre narration, que la dunya est tout ce qu'il y a dedans. Et on sait que les chameaux rouges, c'était la plus grande richesse que possédaient les Arabes de l'époque. Hein? Et donc, c'est meilleur pour toi que toutes les richesses que tu peux imaginer dans ce monde. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a ça comme récompense pour avoir guidé un seul homme, qu'est-ce qu'on peut dire de celui par qui Allah subhanahu wa ta'ala a guidé des nations entières? Et qu'est-ce qu'il doit avoir comme récompense? Eh bien, ça, c'est l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc, on doit demander l'agrément d'Allah sur eux tous. Et qu'est-ce qui s'est produit entre eux comme conflit ou comme fitna ou comme problème? On ne doit pas le diffuser. On ne doit pas le propager. On ne doit pas le propager. Ils ont tous fait un ijtihad dans ce domaine-là. Et il dit, celui qui a eu la bonne position dans ces épreuves-là et dans ces problèmes-là, il aura deux récompenses, tandis que celui qui s'est trompé dans son ijtihad, il aura une seule récompense au lieu de deux. Et il dit, وَلَمْ يُقَاتِلُوا مِنْ أَجْلِ هَوَى وَإِنَّمَا كُلُّ مِنْهُمْ مُجْتَهِدٌ كَانَ يَرَى نَفْسَهُ أَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ ثُمَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي الْجَمَلِ وَصِفِّينَ قَلِيلٌ جِدًّا وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ مَا شَارَكُوا فِي الْقِتَالِ. Donc le cheikh il dit, quand les sahaba se sont combattus, c'était pas pour des passions. chacun d'entre eux était mujtahid. Il cherche sincèrement la vérité. Hein? Il fait les efforts nécessaires pour arriver à comprendre et avoir la vérité. Et ce sont des savants de l'islam. Ce sont des ulamas. Hein? Ce sont des mujtahidoun. Ce sont des ulamas. Chacun considérait et voyait son opinion comme étant la vérité. Et il combattait pour la vérité. Puis ensuite, ils ont combattu dans la bataille de Al-Jamal et la bataille de Siffin. Et le nombre de sahabes qui ont combattu dans ces batailles-là, c'était un très petit nombre. Un très petit nombre comparé à la quantité de sahabas. Parce que la majorité des sahabas n'ont pas participé dans la bataille. La majorité des sahabas n'ont pas participé dans la bataille. Il dit, « Les anna sahaba indahum hudouthun » لأن الصحابة عند حدوث هذه الفتنة انقسموا إلى ثلاثة أقسام قسم كان مع علي رضي الله عنه وقسم كان مع معاوية وعمر رضوان الله عليهما وقسم ثالث وهم الأكثر والأكثر والأكثر وهم بقية أصحاب محمد وعلى رأسهم Abdullah ibn Umar, Usama ibn Zayd, Sa'd ibn Abi Waqqas, radhiyallahu alayhim, ha'ula'i tawaqqafu 'an ad-dukhuli fi al-fitna, radhiyallahu anhum, was-sawabu ma'ahum. Fa inna ha'ula'i ma kanu yarawna al-qital. Alladhina dakhalu fi al-qital ma'jurun, insha'Allah, kullun 'ala hasab ijtihadihi. Qusima lahu ajr al-musib. Donc, Cheikh Ravi, il explique que ceux qui ont participé parmi les Sahaba et qui ont, les Sahaba, ceux qui ont, lorsqu'il y a eu la fitna, lorsque la fitna s'est produite, les Sahaba étaient divisés en trois catégories. La première catégorie, ceux qui étaient avec Ali, radiallahu anhu. La deuxième catégorie, ceux qui étaient avec Muawiya et Amr, yani radiyallahu anhuma wa radiyallahu an Ali. Et la troisième catégorie, ils disent, et ceux-là c'était la majorité, hein, c'était le plus grand nombre, c'est le restant de tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à leur tête, il y avait Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn Khattab, Usama ibn Zayd, et Sa'd ibn Abi Waqqas, ridwanallahi alayhim. Ceux-là, ils se sont abstenus de rentrer dans la fitna. Et il dit, le Cheikh Rabi, il dit, et was-sawabu ma'ahum. Et c'est eux qui avaient raison. Il dit, parce que ceux-là, ils ont vu que, c'est-à-dire, ils voyaient que il fallait pas combattre. Il fallait pas rentrer dans le combat. Et ceux qui sont rentrés dans le combat, ils sont récompensés, inshallah, selon leur ijtihad. Et ils ont la partie de la récompense, ils ont une partie de la récompense. Chacun, ils ont une partie de la récompense, selon son ijtihad. Il y en a un groupe ou une partie qui auront la récompense de celui qui a eu la bonne position, c'est ceux qui se sont abstenus. Et l'autre partie, c'est ceux qui se sont pas abstenus et ils ont une récompense pour avoir fait l'ijtihad, même si leur ijtihad était erroné ou même s'ils se sont trompés, ils ont quand même une récompense. Et ils sont excusés d'avoir fait ce qui est arrivé, ils sont excusés pour ça. Et ils n'ont pas de péché. Parce que ce sont des mujtahidoun. Allah les pardonne. Et il dit, ثم لا نثير هذه المشاكل لا نقول فلان وفلان اقتتلوا بل نقول الذين اشتركوا في القتال ما يزيد عن 30 البقية كلهم في سائر البلدان وما دخلوا في هذه الفتنة حتى الوليد بن عقبة رضي الله عنه الذي يتكلم فيه لما رأى الفتنة اعتزلها وذهب إلى أقصى بلد tab'udu anil qital. Donc il dit, on ne doit pas ramener ces problèmes chez les gens, surtout les gens qui sont des musulmans du commun, le commun des musulmans qui n'a pas étudié la religion, qui ne connaît pas bien l'islam, qui ne connaît pas bien ces questions-là, et tu vas commencer à leur raconter les problèmes ou les histoires qui se sont produites à cette époque. Ça, c'est pas permis. Et c'est ça ce que font les Rafidah, les Shia Rafidah, c'est ça ce qu'ils font. Hein? Et ceux qui leur ressemblent. Hein? Comme par exemple l'autre, Tariq al-Suwaydan. Il fait des conférences pour parler de la fitna qui s'est produite et commencer à raconter des histoires sur ça. Et même que parfois il va même ramener des histoires des Shia Rafidah. Qu'est-ce qu'eux ont dit comme mensonge contre les Sahaba à ce moment-là. Donc, on n'a pas le droit de rentrer dans ces problèmes-là ou de les diffuser. Et commencer à dire, par exemple, le cheikh dit, tu ne dois pas dire un tel et un tel se sont combattus. Mais tu dois plutôt dire, ceux qui ont participé dans la bataille ne sont pas plus que 30. Et le reste, d'entre les sahaba, ils étaient tous dans d'autres pays. Ils ne sont pas rentrés dans cette fitna. Il dit même, Al-Walid ibn Uqba, radiallahu anhu, ce que certaines personnes ont parlé à son sujet, lui-même, lorsqu'il a vu la fitna, il s'en est écarté et il est parti dans le pays le plus éloigné possible qui était du combat. Il est parti dans le pays le plus éloigné possible du combat, justement pour pas rentrer dedans. فَنَحْنُ نَتَرَحَّمُ عَلَيْهِمْ وَنَرْتَضَى ونرتضي عنهم ونذب عن أعراضهم نفديهم بأموالنا وأنفسنا وأبنائنا رضوان الله عليهم ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا من أتباعهم وعلى طريقهم ومنهجهم. Donc le cheikh, il conclut donc ce point-là en disant, donc nous, on demande la miséricorde d'Allah pour eux, on invoque la miséricorde d'Allah sur eux, on cherche l'agrément d'Allah pour eux, et on défend leur honneur, et on donnerait pour eux nos biens, notre personne et nos enfants, en rançon contre eux. Et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire ressusciter dans leur groupe, avec eux. Et qu'ils fassent de nous de leurs fidèles, ceux qui les suivent fidèlement, et qui sont sur leur voie et sur leur méthodologie et leur voie. Donc ça, c'est le dua que le cheikh dit en terminant le point numéro 4. Maintenant, le point numéro 5, et c'est un point qui est très très court, donc on va le lire et on va terminer avec ça pour aujourd'hui. Le point numéro 5, c'est la parole des deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a, qui disent وَأَنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَهِدَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, et les 10, c'est-à-dire les 10 que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a nommé, et pour lesquels il a témoigné qu'il serait au paradis, eh bien, ils sont tels que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a témoigné pour eux. Et sa parole est véridique à ce sujet-là. C'est-à-dire que les 10 à qui il a promis le paradis, eh bien, on doit croire qu'ils sont réellement promis au paradis. Et on a mentionné hier les 4 Khulafa al-Rashidin, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiallahu anhum. Ça, c'est les 4 premiers parmi les Mubashirin. Et il y en a 6 autres. Et on va les lire dans l'explication du Cheikh Rabi'a. حفظه الله يشير إلى الحديث الذي يرويه يشير إلى الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن عوف ومن طريق أخرى أيضا جاء عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء العشرة أفضل من كل الصحابة باتفاق أهل السنة بعد الخلفاء الراشدين. يدخل الخلفاء الراشدون في العشرة وكلهم مبشرون بالجنة رضوان الله عليهم. نقطع لهم بالجنة أنهم من أهل الجنة ولا يضيرهم ما حصل من الخلاف الذي جرى بين الزبير وعلي وطلحة رضوان الله عليهم ولا يضيرهم، فإنهم ما أرادوا إلا وجه الله وما أرادوا إلا الخير رضوان الله عليهم فلا يضيرهم ذلك. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce que les deux imams à quoi les deux imams font allusion dans ce point-là, c'est le hadith qui est rapporté selon Abdurrahman ibn Auf, selon d'autres voies également, qui est venu selon Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et c'est un hadith qui est sahih. Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Sahih Al-Jami'. Il est rapporté par l'imam Ahmad, Al-Tirmidhi et Ibn Majah. Et c'est un hadith qui dit que Abu Bakr est dans le paradis, et Omar est au paradis, et Othman est au paradis, et Ali est au paradis, et Talha est au paradis, et Az-Zubayr est au paradis, et Abdurrahman ibn Auf est au paradis, et Sa'd ibn Abi Waqqas est au paradis, et Sa'id ibn Zayd est au paradis, et Abu Ubaida ibn al-Jarrah est au paradis. Donc ces 10-là, c'est les meilleurs d'entre les Sahaba selon l'accord de tous les gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a après les Khulafa al-Rashidin. Et les Khulafa al-Rashidin rentrent dans les 10 et ils ont tous été promis au paradis. Et donc on doit dire avec certitude qu'ils seront au paradis et qu'ils sont parmi les gens du paradis. Et ce qui s'est produit comme divergence par la suite entre Az-Zubayr, Ali, Talha radiyallahu anhum, eh bien ça ne leur fait aucun tort parce qu'ils n'ont voulu rien d'autre que le visage d'Allah et ils n'ont voulu que le bien, hein? Et donc peu importe qu'est-ce qui est arrivé par la suite, ça ne peut pas leur nuire, ça ne leur nuira pas, d'accord? Donc ça c'est au sujet des 10 qui ont été promis au paradis. Et aussi il faut savoir, comme le cheikh il l'a expliqué même dans le cours qu'on a lu hier, on a expliqué que il y en a également d'autres qui ont été promis au paradis qui n'ont pas été mentionnés dans ce hadith. Et on avait mentionné justement hier Thabit ibn Qais, hein, et on avait mentionné Bilal, je pense. Bon, si on ne l'a pas mentionné, il fait partie aussi de ceux qui ont été promis au paradis ou qui ont été mentionnés comme étant au paradis. Et il y a aussi des exemples comme par exemple la femme qui se découvrait parce qu'elle avait des crises d'épilepsie. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a invoqué pour elle, elle a dit « Ô messager d'Allah, je vais être patiente ». C'est-à-dire tu n'as pas besoin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour moi pour qu'il me guérisse de cette épilepsie, je vais être patiente. Mais si tu peux demander qu'il fasse que je ne me couvre pas, alors yani fais que je ne me couvre pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet qu'elle est au paradis, cette femme. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, des gens au sujet desquels yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé qu'il serait au paradis. Donc les 10, ce sont les 10 les plus connus, ou les 10 qui ont été mentionnés dans ce hadith-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres en dehors de ces 10-là qui ont également été promis au paradis. Naam. Donc on a terminé avec ce point qui fait partie des fondements dans la aqida d'Ahle Sunnah wal Jama'ah. Et si des gens ont dévié à ce sujet-là, eh bien, quand ils parlent contre les sahaba ou qu'ils insultent les sahaba ou un d'entre les sahaba, alors ça veut dire que c'est des gens qui ont dévié de la voie d'Ahle Sunnah wal Jama'ah. Et on voit des exemples à notre époque, comme l'exemple de Sayyid Qutb, on a mentionné hier comment il a insulté des sahaba. Et Cheikh Rabi, il a écrit un livre qui s'appelle Mata'in Sayyid Qutb fi Ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les insultes de Sayyid Qutb contre les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans ce livre, il a ramené plein d'exemples des livres de Sayyid Qutb dans lesquels il insulte les sahaba, et pour montrer comment il était donc en réalité sur la voie des rafidah, sur la voie des rafidah qui insultent les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui considèrent que de les insulter ça fait partie de la religion. Allah musta'an. Et il y a également d'autres égarés à notre époque, comme par exemple certains comme Abul Hassan al-Ma'ribi, qui parle des sahaba et qui les appelle, ou qui dit à leur sujet qu'ils sont rutha'iyya, c'est-à-dire comme s'ils étaient de yani, comme on dit en français, al-rutha, c'est comme comme s'ils étaient la saleté ou la mousse, la saleté ou la mousse qui est sur l'eau, toutes les choses qui se ramassent sur l'eau qui sont sales ou qui sont pas bonnes. Il décrit les sahaba comme étant comme ça. Et lorsqu'on lui dit de revenir sur ça, il s'entête à essayer de défendre sa position au lieu de revenir. Donc il y a plein d'autres exemples comme ça qu'on constate et qu'on entend de la part de certains. Et donc ça, c'est quelque chose de très grave. Donc si vous entendez quelqu'un qui parle en mal d'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou de plusieurs d'entre eux, eh bien vous savez que c'est un égaré, comme ceux qui rejettent les hadiths de Abu Bakr, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui insultent Muawiya radiyallahu anhu. Les ulama, ils ont mis en garde contre ça. Ils ont dit celui qui insulte Muawiya, eh bien Muawiya c'est le hijab, c'est le voile qui protège tous les autres. Si quelqu'un ose parler contre Muawiya, c'est-à-dire qu'il peut parler contre les autres également. Et il a écrit la révélation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a écrit le Coran, c'est-à-dire qu'il transcrivait le Coran pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également il était l'oncle des croyants. Les gens l'appellent Khalul Mu'minin. Pourquoi? Parce qu'il était le frère de Habiba, la femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une des mères des croyants. Et également il a eu beaucoup de mérite, parce qu'à son époque, durant son khilafa, de grandes conquêtes ont été faites. Dans l'islam, les territoires de l'islam se sont agrandis durant sa période, durant son khilaf. Et même que c'est à sa période qu'on a fait le djihad sur la mer. Il a fait construire une flotte navale, oui. Et que le djihad a été fait sur la mer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé une récompense particulière ou quelque chose de particulier pour celui qui allait combattre sur la mer et faire le djihad sur la mer. Beaucoup d'autres choses ont été mentionnées de la part des ulama au sujet de ce sahabi, et donc il faut avoir le respect pour tous les sahaba. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Le prochain point, c'est au sujet des noms et des attributs d'Allah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Demain, je crois que demain on va continuer encore ce livre, et jeudi on va faire un autre livre finalement. Je vais l'annoncer sur Twitter, inshallah. Je vais vous mentionner, ça va être comme une surprise en même temps, inshallah. Donc subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.